9-4-4. Bibi tous les jours, à baby faut des sous. Dans les poches y'a des trous, la haine qui me rend fou. Sur les comptes fait pas de trous, j'ai refait pas de cadeaux. T'es qui toi mon salaud, pour m'appeler mon frérot. J'suis à la tête, sur les pieds des Air Max. Une yasse elle bouge ses fesses, elle bouge ses fesses. Quand y'a de l'oseille, nous qu'a fait l'agent. Everyday, c'est tous les jours la même. Tous les jours sous miel, oh putain de merde. J'suis tous les jours fauché, putain ça fait chier. Catmatique, j'suis dans l'auto et j'blesse. J'fais tourner tous les macaques dans la caisse. La haine s'accroche à moi comme la peste. Livraison vélo, on fait comme la poste. Des échos après le halo. Tout le quartier est sous CR. J'mets tous tes renois au galop. Pas de tête à tête sur ma mère. Le chat c'est moi, on fait la paire. Tu veux quoi Narvalo? La rue c'est pas un scénario. 10 000 balles sous le matelas, ni deux dans le sac à dos. Fais pas de trop sur les comptes, j'y en fais pas de cadeaux. On a rien fait ensemble, dis pas que t'es mon poteau. J'encaisse, j'amasse, j'entasse. Dans la poche y'a de la place. Au coup tu rêles les cartes. Sur mes sons elle playback. À l'aise en décathlon. Les choix j'ai pas la honte. Prêt pour un marathon. Fin de journée j'fais les comptes. Voilà qui est pas ça. Sans contrôle on garde le ballon. On joue dans la fric et marron, on prend des risques. J'ai tant plané, j'atterris chez Astérix. Toi on te voit découvert de Versace. Mais ton petit refrain, allez je suis surtroué. On voit tes priorités, je le dis pour toi. Je connais tes mecs en Quechua plus blindé que toi. Ah, oh niño, 9-4, soy un bambino de yo, mio y esti. Oh, cartel de niño. Oh, 9-4 WSMG. Bibi tous les jours, à baby faut des sous. Dans les poches y'a des trous, la haine qui me rend fou. Sur les comptes fait pas de trous, j'ai renflé pas de cadeaux. T'es qui toi mon salaud, pour m'appeler mon frérot. J'encaisse, j'amasse, j'entasse. Et je me tue à la tâche. J'encaisse, j'amasse, j'entasse. Et je me tue à la tâche. J'encaisse, j'amasse, j'entasse. Et je me tue à la tâche. J'encaisse, j'amasse, j'entasse. Et je me tue à la tâche.